Du langage de la chair, chapitre 5. Qu'il faut fuir les plaisirs de la chair, combien il est dangereux de l'écouter, et ce que l'on doit faire pour la vaincre. La chair ne nous parle que de plaisir, ne nous entretient que de choses agréables et pour s'insinuer dans notre esprit, prend quelquefois pour prétexte que les divertissements qu'elle nous propose sont nécessaires à notre santé, en quoi la guerre qu'elle nous fait est d'autant plus périlleuse, qu'il n'y a point d'armes dont il soit plus difficile de parer les coups que celles dont elle se sert pour nous combattre. Il n'en faut point de meilleure preuve que ce grand nombre d'exemples de ceux qui, après être demeurés victorieux de l'amour des richesses, du désir des honneurs et de la cruauté des tyrans, ont été vaincus par les attraits de la volupté. Il n'y a pas sujet de s'en étonner, puisque la chair, cet redoutable ennemi, use de tant d'artifices dans cette guerre et nous dresse tant d'embûches qu'il faut pour s'en garantir être, continuellement sur ses gardes, car qui s'imaginerait que la mort, et une mort éternelle, fut cachée sous des apparences si agréables, puisque la mort est de tous les maux le plus amer, et que rien n'est si doux que ces faux plaisirs. Ils sont comme une coupe d'or pleine d'un breuvage empoisonné dont s'enivrent ceux qui ne considèrent que cet éclat extérieur. C'est une trahison semblable à celle de Joab qui assassina Amasa, en l'embrassant, deuxième livre des rois, 20, et à celle de Judas qui trahit sous maître en le baisant, Matthieu, 26. Car celui qui boit ce poison délicieux du péché mortel, fait mourir Jésus-Christ dans son âme, et se donne la mort à lui-même, parce que son âme ne tirait sa vie que de Jésus-Christ. Ce qui a fait dire à saint Paul, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez », Romains 8. Et ailleurs. La veuve qui vit dans les délices est morte quoiqu'elle paraisse vivante. Première épître à Timothée, 5, 6. Elle est vivante de la vie du corps et morte de la vie de l'âme. Ainsi plus notre chair nous est proche, et plus nous avons sujet de la craindre, puisque notre Seigneur a dit que l'on n'a point de plus grands ennemis que ses propres domestiques, Matthieu. 11, et que notre chair n'est pas seulement notre domestique, mais une partie de nous-mêmes, c'est ce qui a donné sujet à saint Augustin de se plaindre des combats continuels qu'il avait à soutenir contre sa chair, et de la difficulté qu'il trouvait à en remporter la victoire. On ne saurait employer des armes trop fortes contre une si puissante ennemie, car la chasteté est un don de Dieu si précieux, qu'il ne l'accorde qu'à ceux qui s'efforcent de le mériter par des exercices pénibles, d'instants de prière et de saints travaux. Ce linceul si blanc et si pur dans lequel Jésus-Christ fut enseveli en est une figure, puisqu'il n'y fut mis qu'après avoir souffert de si grands tourments, et qu'ainsi celui qui désire d'obtenir de Dieu ce riche trésor de la chasteté, pour se rendre digne de recevoir Jésus-Christ dans son âme comme dans un second cercueil, ne doit rien trouver de difficile pour acquérir cette pureté sans prix. Encore qu'il n'y ait personne qui ne doive se défier de soi-même et être toujours sur ses gardes dans ce qui flatte les inclinations de la chair, néanmoins comme dans les autres sujets, on donne des pénitences proportionnées aux péchés que l'on a commis, il faut que ceux à qui cette même malheureuse chair fait une plus forte guerre, fassent de plus grands efforts pour s'en défendre, ainsi ils la doivent traiter plus rudement que ne font les autres, en retranchant de leur manger et de leur sommeil, en couchant plus durement, et en se servant même du silice et d'autres moyens propres pour ce sujet, parce que, comme dit saint Jérôme, le jeûne est un excellent remède contre les révoltes de la chair, et le saint Hilarion disait à la sienne, Je te dompterai de telle sorte que tu penseras plutôt à me demander à manger qu'à te révolter. Et le même saint Jérôme, écrivant à la sainte Vierge Eustochie, lui conseilla de renoncer dans son manger à la délicatesse avec laquelle elle avait été élevée, pour embrasser l'abstinence et le travail des mains comme un excellent moyen de conserver la chasteté, à quoi il ajoute en un autre endroit, que si elle s'en trouvait incommodée en sa santé, il valait mieux que son estomac s'affaiblît que non pas son âme, qu'elle commandât à son corps que de lui obéir, et que ses jambes tremblassent plutôt que sa chasteté fût chancelante. Il est vrai qu'il lui recommande en un autre lieu de ne jeûner pas avec excès, de peur d'affaiblir son estomac, et qu'il reprend quelques autres personnes de s'être mises en hasard par de trop grandes abstinences et de trop grandes veilles de ne pouvoir plus jeûner. Ce qui montre que l'on ne saurait en cela faire une règle générale pour toutes sortes de personnes, puisque ce qui sert aux uns nuit aux autres. Sur quoi ce que l'on peut dire est que lorsque l'on se trouve pressé d'une tentation si violente, que l'on se voit dans le péril de perdre la chasteté, il vaut mieux, pour se garantir d'un si grand malheur, hasarder la vie du corps que celle de l'âme. Mais quand la tentation n'est que médiocre, et qu'ainsi le péril n'étant pas si grand, il n'est pas besoin d'en venir à une telle extrémité pour la vaincre, il faut consulter un sage directeur touchant la manière dont on se doit conduire, et implorer avec lui dans l'oraison l'assistance de notre Seigneur, afin qu'il leur donne la lumière qui leur est nécessaire. Que si saint Paul, encore qu'il fût un vase d'élection, n'osait se fier à lui-même, mais disait qu'il châtiait sa chair et la réduisait en servitude de peur qu'après avoir prêché aux autres il fût lui-même réprouvé. 1er Épître aux Corinthiens, 9, 27. Comment nous qui sommes si faibles, oserons-nous nous persuader de demeurer chastes sans châtier notre corps, puisque nous sommes si éloignés d'avoir autant de vertus que ce grand saint, et avons incomparablement plus que lui sujet de craindre. Il n'est pas moins difficile de conserver la chasteté dans les délices, que l'humilité dans les honneurs et la tempérance dans la bonne chair. Ainsi vouloir demeurer chaste et vivre en même temps dans l'intempérance, l'oisiveté et les divertissements, c'est, au lieu d'éteindre le feu, l'allumer encore davantage. Et le prophète Ézéchiel attribue l'embrasement de ces villes abominables à ce qu'il ne leur manquait rien de tout ce qui pouvait flatter leur sens, et augmenter ainsi le feu de leurs impudiques désirs, Ézéchiel, 16. Qui osera après cela passer sa vie dans l'aise et les divertissements, ni même ne les pas appréhender, puisque, s'ils ont porté les hommes à des crimes si détestables, il leur sera facile de leur en faire commettre de moindres. Il ne suffit donc pas à celui qui aime la chasteté d'être fort sobre, il faut aussi qu'il mortifie sa chair, parce que s'il se contentait de l'un des deux, il n'aurait ni l'un ni l'autre, Dieu les ayant tellement joints qu'on ne doit jamais les séparer, et qu'on ne pourrait le faire, quand on le voudrait. Chapitre 6. De deux causes de tentation sensuelle, et par quels moyens nous pouvons les surmonter lorsqu'elles viennent du démon. Il importe de savoir que le conseil de maltraiter sa chair, que je viens de proposer, est principalement utile lorsque c'est la chair qui cause la tentation, comme il arrive aux jeunes gens, à ceux qui ont une santé vigoureuse et à ceux qui vivent dans les délices. Parce que la chair étant la cause de la maladie, c'est sur elle qu'il faut appliquer les remèdes, mais quelquefois cette tentation vient du démon, et il est facile de le connaître parce qu'il nous tourmente davantage alors par des pensées et des images déshonnêtes qu'il représente à notre esprit, que par des sentiments d'impureté qu'il excite dans notre chair, ou que si elle en est touchée, ce n'est pas par elle qu'il commence, puisqu'il arrive quelquefois que lorsqu'elle est très froide et comme morte, ses pensées d'impureté sont très fortes et très vives, ainsi que l'exemple de Saint Jérôme le fait voir. C'en est encore une autre preuve, que ce que ces tentations nous arrivent lorsque nous y pensons le moins, qu'il y en a moins d'occasions, et qu'elles nous fâchent, comme aussi ce qu'elles se présentent à nous, dans notre oraison, dans l'Église et durant la messe, qui sont des temps et des lieux pour lesquels les plus méchants même sont contraints d'avoir du respect, outre que ces mauvaises pensées sont quelquefois si horribles, que l'on ne pourrait jamais par soi même se les imaginer. On connaît aussi, par la manière dont elles arrivent et par ce que l'on entend intérieurement, qu'elles ne procèdent pas de nous, mais d'un autre. Ces circonstances et autres semblables nous obligent de croire fermement que ce sont des mouvements que le démon excite dans notre chair et qui ne viennent pas d'elle. Cette tentation est plus fâcheuse que la première, parce qu'elle procède d'un ennemi irréconciliable, infatigable, et qui, soit que nous veillions ou que nous dormions, ne cesse jamais de nous persécuter. Le remède à ce mal est d'entreprendre quelque travail utile et louable, qui nous occupe de telle sorte, que ces fâcheuses images s'effacent de notre esprit. Saint Jérôme dit que ce fut ce qui le fit résoudre d'apprendre la langue hébraïque, comme il le fit avec grand fruit, parce qu'il faut, dit-il, que le démon vous trouve toujours occupé, et que c'est pour ce sujet qu'il approuve la vie des religieux, et la conseille. Ce saint donne ensuite ses instructions. Exécutez-en chaque jour ce qui vous sera commandé, assujettissez-vous à ceux mêmes à qui votre inclination ne vous porte pas de l'être, soyez accablés de lassitude et de sommeil, quand vous allez vous coucher, levez. Vous lorsque vous avez encore envie de dormir, dites un psaume, servez vos frères, et lavez les pieds des hôtes. Si l'on vous injurie, ne répondez point. Respectez votre abbé comme votre seigneur, et aimez-le comme votre père. Croyez que l'on ne vous commande rien qui ne soit fort raisonnable. Ne portez point jugement de vos supérieurs, puisque vous n'avez à leur égard que l'obéissance pour partage, selon ce que Moïse disait au peuple de Dieu, Israël, écoute mes paroles, et demeurez dans le silence. En agissant de la sorte, vous n'aurez pas le loisir de penser à autre chose, et passant d'une occupation à une autre, vous n'appliquerez votre esprit qu'à ce que vous serez obligé de faire. Conformément à ces avis de Saint Jérôme, on exerçait alors les novices, dans les monastères, plutôt à des exercices pénibles qu'à la solitude et à de longues prières, à cause du préjudice qu'il y a sujet de craindre que n'apportent les sentiments de la chair et les passions que l'on ne prend pas assez de soin de mortifier. Cette conduite reçoit néanmoins des exceptions, parce que les diverses dispositions des personnes et les dons particuliers de Dieu font que l'on peut avec raison engager les jeunes à de longues prières, et les diminuer aux anciens. Mais lorsque j'ai dit qu'il ne faut pas occuper sa novice à de longues prières, cela se doit entendre des prières où ils emploieraient presque tout leur temps. Car ce serait un fort grand mal de ne s'occuper pas par intervalle à l'oraison, puisqu'outre les autres avantages que l'on en peut recevoir, on en tire la force et la disposition nécessaires pour se bien acquitter de ses emplois, au lieu qu'autrement on tombe dans le dégoût, à cause que le travail n'est point adouci par les consolations que donne la dévotion. Cet avis est fort nécessaire à ceux qui commencent d'entrer dans la piété, parce que ce sont ceux-là principalement que le démon tente par ses fâcheuses imaginations dans le temps de leur prière, afin de les porter à la quitter par l'ennui qu'elle leur donne, car quelque peine que nous cause cette tentation, nos prières lui en font souffrir encore davantage, et le mettent en fureur, lorsqu'elles sont ferventes. C'est pourquoi il n'y a point de moyen qu'il n'emploie pour tâcher à nous en divertir, ou au moins à les rendre si languissantes, qu'elles soient sans vigueur et sans force. Mais c'est ce qui nous oblige à redoubler nos efforts avec encore plus de courage, puisque cette même manière dont il nous persécute est une preuve de l'avantage que nous en tirerons. Que si, lorsque nous faisons l'oraison mentale, ces tentations étaient si violentes, que nous eussions sujet d'appréhender qu'elles nous missent en péril, il faut alors avoir recours à l'oraison vocale, frapper notre poitrine, mater notre chair, et tendre nos bras en croix, élever nos yeux et nos mains vers le ciel, pour prier notre Seigneur de nous secourir, et enfin tâcher de bien employer tout le temps que nous avons destiné à l'oraison, ou, si nous ne le pouvons, rechercher l'entretien de quelques personnes de piété, dont l'exemple nous encourage. Mais il ne le faut faire qu'à l'extrémité, de peur de tomber dans la faiblesse, de ne combattre qu'en fuyant, et de quitter ainsi le champ de bataille à notre ennemi, car Dieu est tout puissant et si bon, qu'enfin, lorsqu'il en sera temps, il lui défendra d'interrompre nos secrets entretiens avec son adorable majesté. Chapitre 7. De l'admirable paix que Dieu donne à ceux qui combattent, généreusement contre les tentations de la chair, et que pour les surmonter, il faut fuir la conversation des femmes. Ces combats, qui se passent dans la guerre que le démon fait à la chasteté, arrivent d'ordinaire lorsque Dieu veut éprouver si ceux qui font profession d'être à lui l'aiment véritablement et cette vertu, mais, après les avoir trouvés fidèles, il use de son pouvoir absolu, pour défendre à cet ange de ténèbres de les inquiéter davantage dans leurs saints entretiens avec lui. Et les peines que ces tentations leur ont données se changent alors en consolation par le mérite qu'elles leur ont fait acquérir, en y résistant avec courage. Il importe extrêmement, pour conserver la chasteté, d'éviter la conversation familière des femmes, quoique vertueuses et nos parentes, parce que les chutes honteuses et surprenantes, qui sont arrivées en tous les temps, nous oblige d'être dans une défiance continuelle de nous-mêmes, pour éviter la présomption qui, bien que nous soyons si faibles, nous ferait croire de ne courir point de fortune dans un péril où tant de personnes si sages et même si saintes ont fait naufrage, car qui pourra s'assurer sur la proximité, en voyant l'horrible crime commis par Amnon, en la personne de sa propre sœur, par cette brutale passion, 2 Rois 13, qui osera se confier en sa vertu, en voyant David, ce prince qui était selon le cœur de Dieu, être tombé dans de si grands crimes, pour avoir regardé une femme, et qui ne tremblera pas, en considérant que Salomon, si saint en sa jeunesse et le plus sage de tous les rois, tomba, dans sa vieillesse, d'une manière si déplorable, qu'il n'eut point de honte de sacrifier à des idoles pour plaire à des femmes dont l'amour lui fit oublier les obligations infinies qu'il avait à Dieu. Que personne donc ne s'y trompe et ne s'appuie sur sa résolution de demeurer chaste, quelque forte qu'elle lui paraisse être, puisque saint Jérôme a dit très véritablement, quand l'âme s'éraille plus dure que du fer, cette folle passion serait capable de la mollir, et saint Augustin ne voulait pas demeurer avec sa sœur, parce, disait-il, que les femmes qui conversaient avec sa sœur n'étaient pas ses sœurs, imitons cet exemple, et soyons continuellement sur nos gardes, comme tous les saints ont fait, si nous voulons éviter de nous perdre, veillez attentivement sur vous-même, fidèle épouse de Jésus-Christ, pour entendre et pour accomplir ce que dit saint Bernard, que les véritables vierges craignent toujours dans les choses mêmes où il ne paraît point y avoir sujet de craindre, et celles qui y manquent connaissent bientôt, par des chutes déplorables, combien leur fausse confiance de n'avoir rien à appréhender les a misérablement trompés, car encore que la pénitence leur fût obtenir le pardon de leurs péchés, elles ne recouvreront pas la couronne que la perle de leur virginité leur a fait perdre. C'est une chose honteuse, dit saint Jérôme, qu'une personne qui avait sujet d'en espérer une, se trouve réduite à demander pardon de l'avoir perdue, et où en serait une fille qui, pouvant épouser un roi, se trouverait contrainte, au jour destiné pour la célébration de son mariage, à lui demander pardon de s'être rendue indigne d'un si grand honneur, en ne s'étant pas conservée chaste. Les remèdes de la pénitence, dit ce même saint, sont de malheureux remèdes, puisqu'il n'y a point de plus grand malheur que de commettre un péché mortel, qui oblige d'avoir recours au remède de la pénitence. Travaillez donc de tout votre pouvoir, âme chrétienne, à accomplir si fidèlement ce que vous avez promis à ce divin Sauveur qui vous a choisi pour son épouse, que vous ne connaissiez pas par expérience la vérité de cette parole de l'Écriture. Voyez combien c'est une chose douloureuse d'avoir abandonné le Seigneur, votre Dieu, au lieu de continuer à vivre toujours dans sa crainte, Jérémie 2, mais qu'au contraire, vous jouissiez du bonheur que doivent attendre de chastes épouses, et receviez la glorieuse couronne qui leur est préparée dans le ciel. Chapitre 8. Moyen dont le démon se sert pour tromper les personnes spirituelles par ses tentations de la chair. Et comment il faut s'en défendre. Je dois vous avertir, ma chère fille, que les chutes des personnes vertueuses ne leur sont pas sensibles dans le commencement, et qu'elles en sont d'autant plus à appréhender. Il leur semble d'abord qu'elles tirent du profit de leur conversation, que ces communications leur servent à s'avancer dans la piété, et cette vaine confiance les fait s'y engager de plus en plus, sans rien craindre. Ainsi ces conversations deviennent plus fréquentes, l'affection s'échauffe et se fortifie de telle sorte qu'ils ne peuvent vivre sans se voir et se parler pour cela témoigner, leurs entretiens ne sont plus si spirituels qu'au commencement, et ils sentent peu à peu que ces communications, qui auparavant leur paraissaient utiles, sont bien changées. Parce que leur esprit n'est plus occupé que du désir de s'entretenir, de se faire des présents, de s'écrire et de se donner d'autres marques de tendresse, si différentes de celles que saint Jérôme dit se rencontrer dans le saint amour. Et enfin cet enchaînement de tant de dangereuses suites se termine à leur faire connaître que ces conversations qu'ils considéraient comme pleines de piété, et qui ne leur donnait pas la moindre appréhension, étaient des pièges du démon, qui les assurait pour les y faire tomber. Ainsi ils apprennent par leur chute que l'homme et la femme sont comme du feu et de l'étoupe, que le démon travaille, par ses artifices, à faire qu'ils s'approchent, afin de les faire brûler d'un feu qui les précipite dans l'enfer. Fuyez donc, servante de Jésus-Christ, la familiarité des hommes, continuez, durant toute votre vie, à ne donner du pouvoir sur votre esprit qu'à votre confesseur, ne soyez jamais seul avec aucun autre homme que lui, et cela seulement durant la confession, dans laquelle même vous ne lui direz qu'en peu de mots ce que vous serez obligé de lui faire savoir, sans entrer plus avant en discours, de peur d'avoir à rendre compte à votre souverain juge de ce que vous lui auriez dit de plus, ou de ce que vous auriez été cause qu'il vous aurait dit de superflu. Vous devez d'autant plus tôt user de la sorte, que la confession doit tendre à vous délivrer de vos péchés, et non pas à en commettre de nouveaux, et augmenter ainsi la maladie par ce qui en doit être le remède. Une épouse de Jésus-Christ, et particulièrement si elle est encore jeune, ne saurait trop prendre garde à bien choisir un confesseur. Il faut que sa vie et ses mœurs soient irréprochables, et qu'il soit en bonne réputation et assez âgé. Par ce moyen, votre conscience sera en repos devant Dieu, et votre réputation sans tache devant les hommes, qui sont deux choses nécessaires pour répondre à la pureté d'un état aussi parfait que doit être celui d'une vierge. Lorsque vous aurez trouvé un confesseur tel que je viens de le dire, rendez-en grâce à notre Seigneur, obéissez-lui, aimez-le, et considérez-le comme un présent que vous avez reçu de sa main, mais, parce qu'encore que cette affection que vous lui porterez soit louable à cause qu'elle est spirituelle, elle pourrait être excessive, prenez bien garde qu'elle ne le soit, puisqu'elle pourrait vous mettre en péril, étant facile qu'un amour spirituel passe en un amour charnel, et si vous ne marchiez pas en cela avec une grande retenue, vous ne trouveriez pas votre cœur moins occupé de cette sorte d'affection que les femmes mariées le sont de celles qu'elles ont pour leur mari et pour leurs enfants. Or, vous voyez que ce serait agir contre la fidélité que vous devez à ce grand roi que vous avez pris pour votre époux, puis, comme dit saint Augustin, qu'il doit occuper dans votre cœur toute la place qui tiendrait un mari si vous en aviez un. Gardez-vous donc bien de mettre en cette place votre père spirituel, contentez-vous qu'il en soit tout proche, puisqu'il n'est pas l'époux, mais seulement l'ami de l'époux. Ne pensez en lui que pour pratiquer les saintes instructions qu'il vous donnera, et considérez-le seulement comme vous étant donné de Dieu pour vous aider à vous unir parfaitement à votre céleste époux, sans qu'il se mette entre vous et lui. Préparez-vous à souffrir patiemment d'être privé de son assistance, si c'est la volonté de Dieu, en qui seul vous devez mettre votre espérance et votre appui. C'est ainsi que nous voyons que saint Jérôme et saint Paul vivaient ensemble. Plusieurs choses sont permises sans péril à ceux dont la vie est sainte et fort avancée en âge, qui ne le sont pas aux personnes à qui l'une de ces conditions manque, et c'est la conduite que vous devez tenir avec votre père spirituel, si Dieu vous fait la grâce d'en trouver un qui soit tel que je vous l'ai représenté. Mais si vous n'êtes pas si heureuse, il vaudra beaucoup mieux que vous ne vous confessiez et ne communiez que deux ou trois fois l'année, et que vous vous entreteniez avec Dieu et avec de bons livres dans votre cellule, que non pas de vous confesser souvent et donner sujet de faire parler de vous parce que, selon la pensée de saint Augustin, la bonne réputation étant nécessaire à tous pour pouvoir servir le prochain, à combien plus forte raison est-elle à une vierge qui fait profession de piété, et dont saint Ambroise dit qu'elle ne saurait prendre trop de soin. Ainsi, il vous importe tellement que votre confesseur ait toutes les qualités que j'ai dites, qu'il ne lui en pourrait manquer aucune sans que cela fît tort à votre réputation, parce qu'elle y serait comme une tache d'autant plus remarquable, que l'étoffe sur laquelle elle aurait été faite, serait plus riche et plus précieuse. C'est pourquoi, afin d'ôter tout prétexte à celles qui prennent si peu de soin de conserver leur réputation, qu'elles se contentent de dire qu'elles ne pensent point en mal et que leur conscience ne leur reproche rien, Dieu a voulu que la très sainte Vierge fût mariée, et Jésus-Christ a mieux aimé passer pour fils de Joseph, quoiqu'il ne le fût point, que pour le fils d'une Vierge dont on aurait pu parler désavantageusement, si elle n'eût point été mariée. Ainsi, celles qui ne se soucient pas de donner sujet de scandale, ne doivent pas alléguer pour excuse cette très sainte Vierge et d'autres saintes femmes qui ont pris un si grand soin d'accorder la pureté intérieure avec l'extérieur, par le bon exemple qu'elles ont donné dans toute la conduite de leur vie. Mais quand cette trop longue conversation ne produirait pas les mauvais effets que j'ai dit, il ne faudrait pas laisser de les éviter à cause des vaines pensées auxquelles elles donnent lieu, et qui ôtent à l'esprit la liberté de s'élever à Dieu avec la pureté qu'il demande, pour venir dans le fond de notre cœur, car il veut y être seul, sans que rien le partage avec lui, et cela ne peut être, lorsque le souvenir des créatures y trouve place, parce qu'ainsi, il ne saurait être considéré comme une demeure digne de ce céleste époux, et ne se peut dire être parfaitement pur et chaste, lorsque le souvenir d'un homme mortel s'y conserve encore. Tout ce que je vous dis se doit entendre lorsque la familiarité est excessive, ou qu'elle cause du scandale, car, si cela n'est pas, il n'y a point de sujet de s'épouvanter si vous vous trouvez obligé de traiter avec des hommes, puisqu'il en est très souvent une autre tentation et qu'il faut agir avec une sainte et prudente simplicité. Chapitre 9. Que l'un des plus puissants moyens pour surmonter les tentations de la chair est la prière dévote et fervente, parce que en élevant l'âme à Dieu elle la détache et la dégoûte des choses du monde. J'ai fait voir combien l'oraison, quoique brève, nous rend fort pour combattre les tentations de la chair, mais si cette oraison est longue, fervente et accompagnée de cette céleste douceur dont Dieu favorise quelques âmes, elle ne combat pas seulement ce vice brutal, mais le terrasse entièrement, car l'âme lutte alors avec Dieu par de bonnes pensées et de dévotes affections qui sont comme ses bras d'une manière si avantageuse pour elle, qu'elle contraint Dieu, comme fit Jacob, de la bénir et de la combler de ses grâces, avec des consolations ineffables. Elle se trouve en même temps blessée comme le fut ce patriarche, dans ce muscle d'une de ses cuisses, qui est l'appétit sensuel, lequel en demeure boiteux, Genèse 32, a au lieu que le muscle de l'autre cuisse, qui est la figure de l'affection spirituelle, conserve toute sa force, parce que, de même que le goût de la chair fait perdre celui de l'esprit, le goût de l'esprit fait perdre celui de la chair. La douceur que Dieu répand alors dans l'âme est quelquefois si grande, que le corps ne la pouvant souffrir il demeure aussi faible et aussi languissant que s'il sortait d'une grande maladie, et d'autres fois il arrive, au contraire, que l'âme en est tellement fortifiée, que cette force qu'elle reçoit se répand aussi sur le corps et lui fait sentir dès ce monde, quelque chose du bonheur dont il jouira dans le ciel lorsqu'après la résurrection, il sera rendu participant de la félicité inconcevable dont Dieu comble ses élus. Souverain arbitre de l'univers, combien sont donc inexcusables ceux qui vous abandonnent et vous offensent pour chercher leur satisfaction dans les créatures, puisque tous les contentements qu'elles peuvent donner étant joints ensemble ne sauraient passer que pour une véritable amertume en comparaison de la moindre des douceurs dont vous êtes l'éternelle source, car le contentement qu'une chose donne, et comme le fruit qu'elle produit, est tel l'arbre, tel est le fruit. Ainsi, il n'y a pas sujet de s'étonner que la satisfaction que l'on reçoit des créatures passe vite, soit très imparfaite et mêlée de beaucoup de douleurs, parce qu'elles ont tous ces défauts. Mais comment, Seigneur, le contentement que l'on trouve en vous pourrait-il en avoir quelqu'un, puisque vous êtes infiniment bon, d'un être très incorruptible, très immuable, la beauté même, est si parfaitement accomplie que rien ne vous manque. Il faudrait savoir quel vous êtes pour pouvoir comprendre quelle est l'étendue du bonheur dont vous pouvez nous faire jouir. Mais parce que votre être est élevé au-dessus de tout ce que nous saurions comprendre, nous sommes incapables de connaître ces délices éternelles que vous réservez pour ceux qui vous craignent et qui, par l'amour qu'ils vous portent, ont renoncé de tout leur cœur à l'affection des créatures. Comme vous êtes, Seigneur, un bien inconcevable, le bonheur dont vous jouissez est inconcevable comme vous, et quand tous les anges et les bienheureux seraient beaucoup plus capables qu'ils ne le sont de participer à votre bonheur et seraient enivrés du plaisir qu'ils en recevraient, il en resterait incomparablement davantage qu'ils ne pourraient en posséder, car il faut être tout puissant et infini comme vous êtes, pour pouvoir jouir pleinement de votre bonheur, mais parce que vous n'êtes pas moins sage que puissant et infini, et que notre création étant un ouvrage de vos mains, vous connaissez que nos inclinations sont si portées à chercher du repos et du plaisir, que nous ne pouvons demeurer longtemps sans en recevoir, soit juste ou blâmable. Vous nous conviez à jouir des saintes délices que nous trouvons dans l'observation de vos commandements, afin de nous dégoûter des faux plaisirs que nous cherchions dans les créatures. C'est ce qui vous a fait dire, « Venez, à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai, » Matthieu 11, 28, est déclaré par un de vos prophètes, que tous ceux qui sont pressés de la soif, n'ont qu'à venir se désaltérer dans ces eaux vives qui coulent de la source de votre bonté, Isaïe 55. Vous avez aussi dit, que vos mains sont prêtes à répandre une ou des faveurs qui dureront à jamais, et ailleurs, que vous permettrez à ceux à qui vous donnerez place dans votre royaume, de boire autant qu'ils voudront de ce fleuve de délices qu'il arrose. Il arrive même quelquefois que vous leur faites des sept vies, un peu goûter de ces faveurs ou leur disant, « Mangez, buvez et enivrez-vous saintement, mes bien-aimés, Cantique 5, et vous ne faites, mon Dieu, tout cela que pour nous attirer à vous par le plaisir, à cause que vous savez que nous ne saurions nous en passer. Que personne donc ne s'excuse de ne pas vous aimer, puisque vous nous témoignez tant d'amour, de ne pas trouver du plaisir à vous aimer, puisque vous nous y en faites en recevoir, et d'avoir besoin de chercher ailleurs des divertissements agréables, puisque, pour récompenser l'amour que l'on vous porte, vous dites à ceux qui vous aiment, entrez dans la joie de votre Seigneur. » Matthieu 26, les faites asseoir à votre table, et les rendez participantes de vos délices ineffables. Que répondrez-vous à cela, homme charnel et terrestre, qui par un aveuglement épouvantable, préférez les voluptés infâmes que les plus brutaux et les bêtes même goûtent plus que vous, à la douceur de ces chastes plaisirs et de ces innocentes délices dont Dieu comble ses anges et ses saints, et dont il jouit lui-même? Vos plaisirs sont des plaisirs de bêtes, vos passions sont des passions brutales, et vous ne sauriez vous y abandonner, sans fouler aux pieds, avec mépris, par un crime horrible les ordres de Dieu. Servante de Jésus-Christ, ayez de l'horreur de ce mépris qu'ils font de votre divin époux, montez sur cette sainte montagne de l'oraison où on l'adore, priez-le de vous embraser d'amour pour lui, afin qu'une céleste douceur vous donne du dégoût pour les honteux plaisirs de la chair, et que votre extrême compassion de ceux qui se perdent dans les voies égarées d'une vie tout animale, vous fasse dire avec douleur, misérable que vous êtes, ne considérez-vous point le malheur dans lequel vous vous précipitez, Qu'est vous abandonner un Dieu tout-puissant pour suivre les sentiments d'une chair qui n'est que corruption, qu'une telle erreur mérite un tourment éternel, et que vous ne sauriez l'éviter que par une véritable repentance? Chapitre 10. De plusieurs autres moyens pour résister aux premières tentations de la chair. Les avis que je viens de vous donner sont des moyens dont vous devez vous servir contre l'infirmité de la chair. Or, le temps de la tentation, il faut vous apprendre maintenant ce que vous devez faire lorsqu'elle commence à vous attaquer. Faites le signe de la croix sur votre front et sur votre cœur. Prononcez avec grande dévotion le saint nom de Jésus, Christ, pour l'appeler à votre secours, et dites, « Je ne vous donne pas, mon Dieu, à si bon marché, vous êtes d'une valeur sans prix, et je vous aime incomparablement davantage que les plaisirs qui me tentent. Que si la tentation continue, descendez par la pensée jusque dans l'enfer, considérez ce feu toujours ardent et qui brûle d'une manière si terrible les impudiques, qu'il ne leur fait pas seulement jeter des cris, mais les fait hurler et blasphémer, suivant ces paroles de l'Apocalypse, multipliez leurs tourments et leurs douleurs à proportion de ce qu'ils se sont élevés dans leur orgueil et plongés dans les délices, Apocalypse, 18, 7. Et dans l'effroi que vous aurez de voir qu'un châtiment si épouvantable, mais juste, puni par des tourments éternels des plaisirs qui n'ont duré qu'un moment, dites, comme Saint Grégoire, le plaisir ne dure que des moments, et la peine est éternelle. Si ce remède ne suffit pas pour faire cesser la tentation, élevez votre esprit vers le ciel, représentez. Vous le rend que la pureté de la chasteté donne aux âmes bienheureuses qui l'ont aimée dans cette sainte cité où rien de souillé ne saurait entrer, et demeurer quelque temps en cet état, jusqu'à ce que vous vous sentiez fortifié par une assistance céleste, qui vous fasse, dès ce monde, concevoir de l'horreur pour ceux qui en donnent là-haut à ces cinq qui n'ont de l'amour que pour Dieu. Il sera bon aussi que vous portiez vos pensées dans le tombeau, pour y considérer à loisir en quel état sont réduits ces corps de l'un et de l'autre sexe, qui, après avoir été, durant leur vie, traités avec tant de soins et de mollesse, ne sont maintenant qu'infection et que pourriture. Il sera aussi très utile de regarder des yeux de l'âme Jésus-Christ attaché à la croix, après l'avoir été à la colonne où sa chair déchirée de coups par cette cruelle flagellation, lui, fit arroser la terre de son sang, et de lui dire, en jetant un profond soupir, « Votre divin corps, Seigneur, tout pur et tout vierge, ayant souffert tant de douleurs, le mien, qui ne mérite que des châtiments, pourrait-il désirer des plaisirs? Et, puisque vous payez de la sorte les péchés que les hommes commettent contre votre sainte loi, pourrais-je, mon Sauveur, en vouloir prendre qui vous ont coûté si cher? Vous pourrez aussi vous représenter l'extrême pureté de cœur et de corps de la très sainte Vierge pour dissiper, à la vue de sa chasteté toute céleste, ces images déshonnêtes, comme la lumière du soleil dissipe l'ombre de la nuit. Mais le meilleur de tous les remèdes pour fermer l'entrée à ces fâcheuses tentations est un grand recueillement pour se préparer à l'oraison par les moyens que je dirai dans la suite, car il arrive souvent qu'en voulant ouvrir la porte d'un, notre esprit a de bonnes pensées, il y en entre de mauvaises, au lieu que, lorsqu'on la ferme aux unes et aux autres, c'est comme fermer la porte aux ennemis et les contraindre de se retirer honteusement. Il est aussi fort bon de demeurer à genoux, de se frapper la poitrine, et de tenir les bras étendus en croix, mais ce qui sert plus que tout le reste est de recevoir avec la préparation nécessaire le sacré corps de notre Seigneur, qui a été formé par le Saint-Esprit dans une parfaite pureté, ce remède est admirable contre tous les maux qui procèdent de ce que notre chair a été conçue en péché. Et si nous comprenions bien quelle est la grâce que Jésus-Christ nous fait d'entrer dans nous, nous nous considérerions nous-mêmes comme des reliquaires précieux, et notre respect pour lui nous donnerait de l'horreur des moindres tâches dont notre chair pourrait se souiller, car qui oserait déshonorer son corps, sachant l'honneur qu'il a reçu d'être uni au très saint corps d'un Dieu fait homme? Quel plus grand motif nous peut porter à vivre dans la pureté, que de voir de nos yeux, toucher de nos mains, recevoir dans notre bouche, et loger dans notre cœur ce corps très pur de notre Sauveur? Qui peut tant que cet honneur inconcevable qu'il nous fait, nous éloigner de tout ce qui peut lui déplaire, pour nous attacher inséparablement à lui? Nous servirons-nous, pour l'offenser, de ce corps, où lui qui n'est pas seulement pur, mais la pureté même, a bien voulu établir sa demeure? Après l'honneur qu'il nous a fait de manger à sa table et de le recevoir lui-même en le mangeant, le trahirons-nous, quand ce ne serait qu'une seule fois en toute notre vie? Estimerons-nous si peu une si grande faveur que de croire la devoir recevoir sans rien faire pour la mériter et demeurer toujours dans la lâcheté et dans la mollesse? Et enfin serons-nous assez stupides pour ne considérer pas qu'en recevant indignement ce Rédempteur de nos âmes, au lieu de nous trouver purifiés par l'honneur de sa présence, notre impureté qui le déshonore nous plonge dans un abîme de malédiction? Que si tous ces remèdes ne sont pas capables de dissiper ces pensées brutales, il faut traiter notre chair comme une bête par des châtiments rigoureux, puisqu'elle ne veut pas entendre raison? Les uns se piquent, pour cela, jusqu'au sang, en se souvenant des excessives douleurs que les clous firent sentir à notre Seigneur, d'autres se donnent de rudes disciplines en mémoire de sa flagellation, et d'autres étendent leurs bras en croix, élèvent leurs yeux au ciel, se frappent le visage, et font des autres choses semblables si sensibles à la chair, afin de lui apprendre à parler un autre langage. C'est ainsi que nous lisons qu'en usaient les saints des siècles passés, l'un d'eux se jeta tout nu dans un buisson plein d'épines, et son corps tout ensanglanté fut contraint de cesser de faire la guerre à son âme. Un autre entra, durant l'hiver dans un étang à demi glacé, et y demeura jusqu'à ce que son corps à demi mort eût tiré son âme hors de péril. Un autre mit sa main dans le feu, et ne craignit point de se brûler pour éteindre un plus dangereux feu dont il se sentait embrasé. Un autre, se trouvant attaché par les bras et par les jambes, se coupa la langue avec ses dents, et sortit ainsi victorieux du combat qui se passait en lui-même. Or, quoique l'on ne soit pas obligé d'imiter des actions si extraordinaires, puisqu'elles n'ont été faites que par un mouvement particulier du Saint-Esprit, elles doivent nous apprendre que, dans une guerre où il s'agit de la vie de l'âme, nous ne devons pas être aussi insensibles que d'attendre que nos ennemis nous frappent, mais qu'il faut, selon le précepte de l'Écriture, fuir le péché comme l'on fuit un serpent, Ecclésiaste 21, en se servant du remède que chacun croira lui être le plus propre, et en consultant un sage confesseur. Chapitre 11. Ce que l'on doit faire pour surmonter diverses causes qui portent à perdre la chasteté. Il n'y a point de soin ni de peine que celui qui connaît le prix de la chasteté, et de quelle sorte Dieu la récompense, ne doive prendre pour la conserver, comme il vous a fait connaître, ma chère fille, la valeur de cette admirable perle, et vous a fait la grâce de la choisir particulièrement entre tant d'autres vertus, et de lui promettre de la conserver, Il serait inutile de vous parler de son excellence, je me contenterai donc de vous proposer les moyens de ne la point perdre et vous perdre en même temps, en vous apprenant comment il est arrivé que d'autres soient tombés dans ce malheur. Les uns la perdent, parce qu'étant nés avec de fortes inclinations pour la volupté, ils n'ont pas le courage d'entreprendre contre eux-mêmes une guerre très rude et continuelle, ainsi ils se rendent à cet ennemi par une déplorable lâcheté, sans considérer qu'un chrétien est obligé de mourir ou de vaincre par l'assistance de celui pour qui il combat. Il y en a d'autres qui, encore qu'ils ne soient pas tentés, ont une bassesse d'âme qui les porte vers les choses basses, et se laissent ainsi aisément aller à une si honteuse passion, sans considérer que la seule raison naturelle oblige les personnes généreuses à la surmonter, ce qui a fait dire, même à des païens, que des plaisirs si brutaux sont indignes d'un homme de cœur, et l'un d'entre eux a ajouté que passer sa vie de cette sorte est une vie de bête, parce qu'au lieu de suivre la raison, on suit l'appétit sensuel. Ainsi, à en juger véritablement, on peut dire que ceux qui s'y laissent emporter n'ont que la figure d'homme et sont en effet des bêtes qui, portant le nom d'homme, font de la honte aux hommes, et ne serait-ce pas une chose monstrueuse de voir une bête mener un homme enchaîné, où bon lui semblerait, commandant ainsi à celui à qui elle devrait obéir? Cependant peu de personnes s'aperçoivent de ce honteux abaissement, tant parce qu'il est si ordinaire, que l'on n'y fait point d'attention, ou plutôt parce qu'il y en a peu qui aient assez de discernement pour considérer quel malheur c'est à une âme de se donner la mort à elle-même en se laissant emporter à ces misérables plaisirs de la chair, ce qui arrive principalement aux personnes jeunes, belles et dans la vigueur de l'âge. Hélas, combien y en a-t-il de cette sorte qui brûle dans ce feu infernal, sans que l'on répande pour eux des larmes de compassion, et que l'on dise du fond du cœur avec un prophète, « Le feu qui a réduit en cendres les beautés du désert, me fait, Seigneur, soupirer vers vous pour implorer votre assistance, Joël, 1. Car s'il y avait des personnes qui pleurassent aussi amèrement la mort des âmes que cette veuve de Naïm pleurait la mort de son fils, qui doute que Jésus-Christ ne fît dans eux le même miracle qu'il sur le corps de cet enfant, Luc, 17, ceux qui, par les charges qu'ils ont dans l'Église, sont obligés de prier et d'intercéder pour le peuple avec un amour de mère, peuvent-ils négliger à s'acquitter de ce devoir, sans appréhender d'être enveloppés dans un même châtiment avec ceux pour qui ils devraient prier, et que Dieu ne leur dise ce qu'il a dit par l'un de ses prophètes? J'ai cherché quelqu'un parmi vous qui s'opposa à moi comme un mur en leur faveur pourrait m'empêcher de les détruire, sans pouvoir en trouver un seul, ainsi rien n'a arrêté le feu de ma colère. Ézéchiel, 22. Soyez plus charitable, ma fille, soyez plus compatissante aux maux d'autrui, et que ces plaisirs bas et charnels vous donnent toujours de plus en plus de l'horreur. Souvenez-vous de ce que dit Saint Bernard, que le corps n'est qu'un fumier très corrompu. Méprisez-le donc de tout votre cœur, et, de quelque beauté qu'il éclate, de quelques ornements qu'il se pare, et de quelques délices qu'il se flatte, considérez-le comme s'il était déjà réduit en poudre dans le tombeau. Ne vous arrêtez point à regarder les visages, regardez seulement avec les yeux de l'esprit, sans distinction de sexe, les âmes enfermées dans ces corps, dont une seule, comme étant un ouvrage formé de la main de Dieu, vaut incomparablement mieux que tous les corps qui ont jamais été et seront jamais. Par ce moyen, vous vous trouverez dégagé de l'affection de ces misérables corps. et serait capable de concevoir une aussi noble et aussi grande entreprise qu'est celle de vous élever par cette pureté si agréable à Dieu, jusqu'à le posséder toujours en corps et en âme dans son royaume, regardez-vous vous-même en cette sorte, selon ces paroles de saint Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que son esprit habite en vous ? 1 Corinthiens 3, 16. Et ailleurs, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui réside en vous et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été racheté par un grand prix, glorifié. Donc y portez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, puisque l'un et l'autre est à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. Représentez-vous que lorsque vous reçûtes le saint baptême, vous devîntes le temple de Dieu, que votre âme et votre corps lui furent consacrés par sa grâce, et que le Saint-Esprit, comme en étant devenu le maître, se sert de l'un et de l'autre pour leur faire faire de bonnes œuvres, ce qui donne sujet de dire que notre corps, aussi bien que notre âme, est le temple du Saint-Esprit. À quelle pureté ne nous oblige point l'honneur que Dieu nous fait de vouloir bien demeurer en nous, et de nous considérer comme son temple, puisqu'il ne peut rien y avoir que de très pur dans ce temple éternel où il habite. Pouvez-vous considérer que vous avez été racheté, comme vous venez de voir que saint Paul le dit, par un aussi grand prix que celui de la vie d'un Dieu fait homme, sans voir combien vous êtes obligé à lui rendre tant d'honneur et de service dans ce corps qu'il vous a donné, que vous l'engagiez à vouloir bien y établir sa demeure? Rien n'est plus véritable et plus juste que ce que dit ce grand apôtre. Si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le perdra, car le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui êtes ce temple. 1 Corinthiens 3, 17, où il doit être glorifié, et qui ne doit retentir que de ses louanges. Souvenez-vous de ce que dit saint Augustin, « Depuis que j'ai su que Dieu m'a racheté par un aussi grand prix qu'est celui de son sang, je n'ai jamais voulu me vendre à personne. À combien plus forte raison donc devez-vous avoir de l'horreur de vous donner et de vous vendre pour un si vil prix que celui des plaisirs de la chair? Vous avez commencé généreusement à exécuter une aussi grande entreprise qu'est celle de conserver incorruptible une chair qui n'est par elle-même que corruption, d'acquérir par votre vertu une pureté que les anges ont par leur nature, et de prétendre de recevoir dans le ciel une couronne qui vous rendra compagne de ces saintes vierges qui suivent partout l'agneau en chantant un nouveau cantique. Admirez l'honneur que vous avez de porter, dès ce monde, la qualité d'épouse de Jésus-Christ, et de pouvoir espérer qu'il vous recevra un jour dans sa sainte couche nuptiale. C'est le moyen de vous faire tant aimer l'inestimable pureté de la virginité, que vous mourrez avec joie pour la conserver, comme ont fait tant d'autres vierges, qui, plutôt que de la perdre, ont souffert si généreusement le martyr. Chapitre 12. Que Dieu pour humilier les orgueilleux permet qu'ils perdent la chasteté, et qu'ainsi pour être chaste il faut être humble. Il y a des personnes qui perdent le précieux trésor de la chasteté par un juste jugement de Dieu qui les abandonne, comme dit saint Paul, au désir de leur cœur, et qui tombent ainsi dans des passions honteuses qui les tyrannisent, châtiant en quelque sorte des péchés par d'autres péchés. Romains 1, 24. Mais il ne les excite pas à les commettre, puisqu'étant, comme il est, le souverain bien, il n'a garde d'y donner sujet. Il cesse seulement de les assister pour les punir par ce moyen, et agit ainsi en bon et juste juge. C'est ce qui fait que nous lisons dans les Proverbes, « La femme prostituée est une fosse profonde », Et l'étrangère est un puits étroit, elle dresse des embûches sur le chemin comme un voleur, et elle tue ceux qui ne se tiennent pas sur leur garde. Proverbe 23, 27. Personne ne peut donc s'assurer de ne se rendre pas désagréable à Dieu en conservant la chasteté, s'il l'offense en d'autres choses. Puisqu'il laisse quelquefois commettre des péchés où l'on ne voudrait pas tomber pour punition de ceux que l'on a commis volontairement, et quoique cela soit général pour tous les péchés, puisqu'il n'y en a point qui n'offense Dieu, et que d'ordinaire il les punit tout, il châtie principalement, dit saint Augustin, un orgueil secret par une impudicité manifeste. L'exemple de Nabuchodonosor fait voir que son orgueil lui fit perdre son royaume, il se trouva réduit à passer de la compagnie des hommes en celle des bêtes, et parut être comme l'une d'elles. Quoiqu'il ne perdit point la nature d'homme, il demeura en cet état jusqu'à ce que Dieu, après l'avoir humilié de la sorte, lui fit connaître son péché et confesser que lui seul est grand et fait régner qui bon lui semble. Ainsi, Dieu chasse de la compagnie des justes qui sont comme des anges sur la terre, ceux qui ont l'orgueil d'attribuer leur chasteté à leur propre force, et les réduit à vivre comme des bêtes, sans se souvenir qu'il les aimait, sans penser qu'il y ait une vertu de chasteté, un paradis, un enfer, une raison et une pudeur qui doivent empêcher de s'abandonner au vice. Il ne leur reste plus ni jugement, ni aucune force pour résister au péché, et ils s'y abandonnent comme des bêtes brutes, jusqu'à ce que Dieu, ayant compassion de leur malheur, leur fait connaître que leur orgueil les a fait tomber, et qu'ils ne sauraient que par l'humilité se relever d'une chute si déplorable. Ils reconnaissent alors que cette vertu de la chasteté, qui les faisait régner sur leur corps, est un don de Dieu que sa grâce accorde et que sa justice retire lorsqu'on l'offense. Il est d'autant plus important de connaître quel mal c'est que l'orgueil, et de le beaucoup appréhender, qu'il arrive quelquefois que notre cœur en est plein sans que nous nous en apercevions. Il n'en faut point de meilleure preuve que l'exemple de saint Pierre et de tant d'autres saints, qui, parce qu'ils étaient satisfaits d'eux-mêmes, croyaient que Dieu l'était aussi d'eux, mais comme il pénètre le fond des cœurs, en connaît tous les défauts, et y voit cet orgueil caché qui lui est si désagréable, il les en guérit par sa miséricorde jointe à sa justice, en leur montrant, par les fautes honteuses dans lesquelles il permet qu'ils tombent, qu'ils s'étaient misérablement trompés par cette présomptueuse confiance en eux-mêmes. Ainsi, quelque fâcheuses que soient ces chutes, elles sont moins à craindre que l'état où ils se trouvaient, parce que ne connaissant pas leur mal, ils n'y auraient point cherché de remède, et se seraient perdus sans ressources, au lieu que le connaissant, ils implorent avec humilité la miséricorde de Dieu, et obtiennent de sa bonté de leur pardonner. C'est ce qui a fait dire à saint Augustin, comme je l'ai déjà rapporté, que Dieu châtie l'orgueil caché par une impureté visible, parce que ce dernier péché ne pouvant être inconnu à celui qui le commet, il lui laisse voir celui dont il ne s'apercevait pas. Il faut remarquer que ces superbes ne tombent quelquefois que par la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, et d'autres fois par le mépris qu'ils font de leur prochain, lorsqu'ils lui voient commettre des fautes, et particulièrement en ce qui regarde la chasteté. Mais, mon Dieu, combien est-il véritable que vous regardez ce péché de l'orgueil d'un œil de colère, et que les actions de grâce que vous rendait le pharisien vous étaient désagréables lorsqu'il vous disait « Mon Dieu, je vois en grâce de ce que je ne suis point comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes et adultères, ni même comme ce publicain. » Luc 18, 11. Mais vous ne laissez pas, Seigneur, ces superbes sans châtiment, vous les punissez sévèrement, vous les laissez tomber lorsqu'ils croient être debout, et vous relevez de leur chute ceux qui reconnaissent leur faute, en quoi vous pratiquez exactement ce que vous avez dit, ne condamnez point les autres, et vous ne serez point condamnés, vous serez mesurés de la même mesure dont vous aurez mesuré les autres, celui qui s'élève sera abaissé, Luc 4. Et vous voulez que l'on dise de votre part à ceux qui méprisent leurs prochains, malheur à vous qui avez du mépris pour les autres, car vous serez méprisés, Matthieu 15. Hélas, combien en est, je veux qui ont été punis selon ces divines paroles, sans avoir compris combien ce mépris du prochain est désagréable à Dieu, jusqu'à ce qu'ils soient tombés dans les mêmes péchés, et encore plus grands que ceux qu'ils avaient condamnés dans les autres. Un bon vieillard disait autrefois qu'il était tombé dans trois péchés qu'il avait condamnés en son prochain. Que celui qui est chaste en rend donc grâce à Dieu, qu'il soit toujours dans la crainte et le tremblement, par l'appréhension de tomber, et qu'il aide son prochain à se relever de ses chutes, en compatissant à son malheur, qu'il considère qu'étant l'un et l'autre tirés d'une même masse et membres d'un même corps, la chute de l'un doit être sensible à un autre, parce, comme dit saint Augustin, qu'il n'y a point d'homme qui ne puisse commettre le péché qu'un autre homme commet, si le Créateur de tous les hommes ne le soutient et ne l'en préserve par sa toute puissance, il faut profiter du mal d'autrui en s'humiliant par la vue de sa chute, et profiler du bien qu'il fait en se réjouissant de l'avantage qu'il en relire, nous ne saurions trop prendre garde à ne pas imiter le serpent, qui convertit tout en venin, comme font ceux à qui les fautes des autres donnent de l'orgueil, et leurs bonnes actions de l'envie, car Dieu ne manque pas de les punir, en les faisant tomber dans les mêmes péchés qui leur avaient fait mépriser les autres, et en ne leur accordant pas les grâces qu'il leur avait enviées. Chapitre 13. Que l'on peut perdre la chasteté par deux autres causes fort dangereuses qu'il faut tâcher d'éviter. Entre tant de chutes qui ont fait perdre la chasteté, je ne dois pas oublier de remarquer celle de David, parce qu'elle a été si déplorable, et la personne de ce grand roi et ce grand prophète si illustre, que l'on ne saurait la considérer sans trembler et se défier de sa propre faiblesse. Saint Basile dit que la cause d'un si grand péché fut une légère complaisance qu'eut ce prince, lorsqu'après avoir considéré toutes les grâces dont Dieu le comblait, il dit en lui-même, « Je n'ai point sujet de craindre du changement dans mon cœur, mais Dieu lui fit bien éprouver le contraire. Sa chute lui fit ouvrir les yeux, pour connaître que l'on doit dans la prospérité appréhender l'adversité, et recevoir les consolations que Dieu nous envoie avec une humilité accompagnée d'une crainte salutaire, afin de ne pas tomber dans un malheur semblable à celui qui fit dire depuis à ce saint roi, « Vous avez, Seigneur, détourné voir visage de moi, et je suis tombé dans le trouble. » Psaume 29, 9. L'Écriture sainte rapporte son péché à une autre cause, elle dit que, dans le temps que les rois d'Israël avaient accoutumé d'aller à la guerre contre les idolâtres, ce prince demeura en repos dans son palais, et que, se promenant dans une galerie, il aperçut cette femme qui lui fit commettre un adultère et un homicide, ce qu'il aurait évité s'il eût continué, comme auparavant, à combattre les combats du Seigneur. Si donc, pécheur, vous vous promenez lorsque les serviteurs de Dieu sont dans la retraite, si vous ne travaillez point lorsqu'ils s'emploient en de bonnes œuvres, si vos yeux sont errants et vagabonds, lorsque les leurs pleurent amèrement leurs péchés et ceux des autres, si vous dormez d'un profond sommeil lorsqu'ils se lèvent la nuit pour prier, si, pour ne faire que ce qui vous vient dans l'esprit. Vous discontinuez les saints exercices dont la chaleur fortifie l'âme dans la piété. Comment, vous trouvant dans une telle négligence et sans armes, prétendez-vous pouvoir défendre votre chasteté contre tant d'ennemis si forts, si bien armés et si vigilants, qui l'attaquent sans cesse? Ne vous y trompez pas, quelque dessein que vous ayez de demeurer chaste, si vous ne travaillez, par toutes sortes de bonnes œuvres, pour y réussir, vous ne sauriez éviter de tomber comme David, puisque vous n'êtes ni si fort, ni si saint que lui. Enfin, pour faire encore mieux connaître d'où vient ordinairement que l'on perd ce précieux trésor de la chasteté, il faut savoir que la raison pourquoi Dieu permit que dans nos premiers parents, du péché desquels nous avons hérité, la chair s'éleva contre l'esprit, fut parce qu'ils s'étaient élevés contre leur Créateur par leur désobéissance. Il se servit, pour les punir, du même moyen dont il s'était servi pour l'offenser, comme il ne lui avait pas obéi. Quoiqu'il fût leur supérieur, la partie inférieure, qui est la chair, ne voulut plus obéir à la partie supérieure, qui est la raison. Elle secoua le joug, se révolta contre elle, et ainsi ils furent punis d'avoir désobéi à Dieu. Gardez-vous donc bien, ma fille, de désobéir à vos supérieurs, si vous voulez éviter que la chair s'élève contre vous, comme Ada s'éleva contre le roi Salomon, et vous trouve dans une telle faiblesse, qu'elle n'ait point de peine à vous précipiter dans l'abîme du péché mortel. Si vous êtes touché des raisons que je vous ai représentées, vous demeurerez aisément d'accord du soin que vous devez prendre de veiller sur vous-même, pour remarquer ce qui se passe dans vous, mais, pour le connaître encore mieux, demandez à Dieu la lumière dont vous avez besoin, pour pénétrer jusque dans les replis les plus cachés de votre cœur, afin qu'il n'y ait rien qui vous mette en hasard de perdre, par un secret jugement de Dieu, cette chasteté qu'il vous importe tant de conserver par son assistance. Chapitre 14. Que la chasteté étant un don de Dieu, nous devons la lui demander par l'intercession de ses saints, et particulièrement de sa très sainte mère sans avoir la présomption de l'obtenir par nous-mêmes. Tout ce que j'ai dit et que l'on pourrait y ajouter sont les moyens dont on se sert pour conserver la chasteté, mais comme il arrive souvent qu'encore que l'on ait tous les matériaux nécessaires pour bâtir une maison on y réussit mal, ces moyens ne suffisent pas pour obtenir un si grand bien, et ainsi l'on voit plusieurs personnes qui, après avoir eu de très grands désirs et fait de grands efforts pour vaincre la passion contraire à cette vertu, sont misérablement tombées dans le précipice qu'ils voulaient éviter, et ont souffert de si grands tourments dans eux-mêmes, qu'ils se sont trouvés réduits à dire avec une extrême douleur ces paroles de saint Pierre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, Luc 5, 5. Il semble que l'on voit accomplir en eux cette parole du sage, « Plus j'ai cherché cette vertu, et plus elle s'est éloignée de moi, Ecclésiaste 7. » Cela procède d'ordinaire d'une secrète confiance que ces personnes superbes ont en elles-mêmes, s'imaginant que la chasteté est le fruit de leurs travaux et non pas un don de Dieu, ainsi ils s'en trouvent privés avec justice, faute de l'avoir demandé à celui qui pouvait seul la leur donner, et ce leur aurait été un malheur encore plus grand de l'avoir conservé en demeurant superbes et ingrats envers Dieu, à qui ils en étaient redevables, que de l'avoir perdu et en avoir tant de regrets, que leurs larmes, leur humilité et leur pénitence aient obtenu le pardon de leurs péchés. Ce n'est pas peu de savoir de quelle main nous pouvons recevoir un aussi grand présent qu'est la chasteté, car c'est déjà avoir beaucoup avancé, pour l'obtenir, que d'être assuré que nous ne pouvons rien espérer en cela de nos propres forces, mais que Dieu seul nous la peut donner. Il nous l'a appris par ses paroles de l'Évangile, tous ne sont pas capables de cette résolution, mais seulement ceux à qui il a été donné d'en haut, Matthieu 19. Ainsi, encore que les moyens dont j'ai parlé soient fort utiles pour obtenir cette vertu, et qu'il faille s'en servir, ce ne doit être qu'en n'y mettant pas toute notre confiance, mais il faut pratiquer avec grande dévotion, dans l'oraison, ce que David faisait et qu'il nous conseille de faire, lorsqu'il dit « J'ai élevé mes yeux vers les montagnes, pour voir d'où me viendra le secours dont j'ai besoin, et il ne me peut venir que du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Psaume 120. Nous ne saurions mieux connaître ces vérités que par ce que saint Jérôme rapporte en parlant de lui-même. « Ces malheureuses tentations, dit-il, me réduisaient en tel état, que ni mes grands jeûnes, ni mes longues veilles, ni ce que je n'avais pour lit que la terre, ni ce que ma chair était comme morte, ne pouvaient m'en délivrer. Dans une telle extrémité, je me jetais, tout trempé de mes larmes, aux pieds de Jésus-Christ, et passais quelquefois tout le jour et toute la nuit à implorer par mes cris son assistance. Enfin, il ne m'écoutait pas seulement, mais il exauçait mes prières avec un tel excès de bonté, que, dans le calme et les consolations spirituelles qui succédaient à ce trouble et à de si grandes peines, il me semblait que j'étais dans le ciel avec les anges. C'est ainsi que Dieu assiste ceux qui ont recours à lui de tout leur cœur, et qui demeurent fermes dans le combat jusqu'à ce qu'il lui plaise de les secourir. Mais nous ne devons pas seulement implorer son aide, nous devons aussi employer l'intercession de ces saints, que ces montagnes dont parle David signifient, et principalement la très pure Vierge, car nous ne saurions trop la presser, par nos respects et par nos prières, de nous obtenir cette faveur, ni douter qu'elle ne nous écoule favorablement, puisque nul autre n'aime tant qu'elle cette pureté que nous désirons d'obtenir. J'ai vu de grands effets des grâces que des personnes inquiétées par cette tentation de la chair ont obtenu par l'assistance de cette très sainte Vierge, en faisant quelques prières en mémoire de la pureté avec laquelle elle a été conçue sans péché, et de ce qu'elle l'a conservé en devenant mère de Dieu. Prenez-la donc pour votre principale protectrice, afin qu'elle vous obtienne et vous conserve par son assistance cette pureté si souhaitable. Considérez que s'il se trouve des femmes qui ont tant d'amour pour la chasteté, qu'il n'y a point d'affection qu'elle ne témoigne à celles qui ont comme elle de l'horreur du péché qui lui est contraire, à combien plus forte raison devons-nous attendre toutes sortes de secours de cette reine des vierges? Assurez-vous que, pourvu que vous ayez un ardent désir de posséder un aussi grand bien qu'est cette vertu, que vous vous confiez toujours en Jésus-Christ, et que vous ne vous lassiez point de le prier et de le servir de tout votre pouvoir, ces saints ne cesseront point d'intercéder pour vous auprès de lui, afin qu'il vous accorde ce précieux don que l'on ne peut obtenir que de lui, et dont il veut que ceux qui le reçoivent connaissent la valeur et lui en rendent les actions de grâce qui lui sont dues. Chapitre 15. Que notre Seigneur ne donne pas également à tous la chasteté, mais ne la donne à quelques-uns que dans le cœur, et que les tentations de la chair sont avantageuses à ceux qui en savent bien user. Il importe de remarquer que Dieu ne donne pas également à tous la chasteté, mais dans des degrés différents, selon qu'il lui plaît. Ainsi, il la donne à quelques-uns seulement dans le cœur, par une résolution ferme et constante de mourir plutôt que de se laisser emporter à cette brutale passion, son ennemi, Mais cela n'empêche pas qu'il ne se passe dans leur esprit des imaginations déshonnêtes, et dans la partie sensitive des tentations fort pénibles, qui, encore que leur raison n'y consente pas, les afflige beaucoup et ne leur donne pas peu d'exercice pour se défendre de leur importunité. À quoi l'on peut comparer Moïse et le peuple juif, lorsque, cet admirable législateur étant avec Dieu sur le haut de la montagne de Sina, ce peuple adorait des idoles au pied de cette montagne. Ceux qui se trouvent en cet état doivent extrêmement remercier Dieu de la grâce qu'il fait à leur âme, et souffrir avec patience le peu de soumission de la partie sensitive, car, de même qu'encore qu'ait vu manger du fruit défendu, le péché originel ne serait point entré dans le monde si Adam n'en eût point aussi mangé et ne se fût rendu complice de sa faute. Ainsi, tant que cette résolution de ne point consentir à la tentation demeure ferme, ce qui se passe dans la partie sensitive ne peut être un péché mortel, puisqu'elle ne ressemble qu'à Ève, au lieu que cette partie supérieure de l'âme, où cette sainte résolution s'est formée, et qui tient la place d'Adam, non seulement ne consent point à la tentation, mais en ressent du déplaisir et la rejette. Sur quoi je dois, ma fille, vous avertir de ne pas permettre que ces fâcheuses imaginations et ces pénibles émotions s'arrêtent dans votre esprit, mais de faire tout ce que vous pourrez pour les en chasser aussitôt, car lorsque l'on sent avoir dans soi, même ce feu infernal et un tel serpent dans son sein, principalement si l'on a éprouvé quelquefois qu'ils ont eu le pouvoir de nous porter à consentir au péché et à y avoir de la complaisance, si l'on néglige dans un tel péril de faire tous ses efforts pour s'en garantir, cette négligence passe pour un péché mortel, parce que voir le péril et ne pas tâcher de l'éviter c'est l'aimer. Mais tant que l'on demeure dans une constante résolution de ne point consentir au mal, de n'y avoir point de complaisance, et au contraire d'y résister, quoi qu'on ne le fasse que faiblement, on a sujet de croire que Dieu ne permettra pas que l'on tombe dans un péché mortel dont on connaît le danger. Or, comme il est fort difficile de porter jugement sur cela, sans savoir de la personne qui souffre ses peines ce qui se passe en elle-même, elle doit en informer un confesseur fort capable et suivre le conseil qu'il lui donnera. Que si après en avoir usé de la sorte, on ne se trouve point soulagé, et que souffrir ainsi dans soi-même une guerre continuelle passe pour une peine insupportable, il faut considérer que cette peine est une punition des péchés que l'on a commis, et qu'elle doit porter à servir Dieu mieux que l'on a fait jusqu'alors, par le besoin qu'elle fait connaître que l'on a de lui. Car il faudrait être bien stupide pour ne pas sentir quelle est notre misère, lorsque nous nous voyons dans un si grand péril, que, pour peu que Dieu s'éloignât de nous, nous tomberions dans le gouffre du péché mortel. Ces tentations ne cesseront point jusqu'à ce qu'ayant éprouvé notre faiblesse, nous l'avouions sincèrement, parce qu'elles sont comme les moyens dont on se sert à la question pour nous faire confesser que nous ne pouvons avoir la chasteté si Dieu même ne nous la donne. Mais si on le sert fidèlement, plus on sent de combat dans la chair, et plus on s'efforce de conserver la chasteté, et les tentations sont comme des coups de marteau qui la font entrer encore plus avant dans l'âme. Nous voyons alors les merveilles de Dieu, parce que de même que notre malice fait connaître davantage sa bonté, la faiblesse de notre chair fera voir la force de notre âme qui s'opposera toujours à elle et se confirmera d'autant plus dans l'amour de la chasteté, que la chair fera plus d'efforts pour la porter à la perdre, Car c'est ainsi que Dieu se sert d'un moyen si bas et si fâcheux pour relever une chose aussi désirable et aussi précieuse qu'est cette vertu. Souvenez-vous que comme une bonne guerre vaut mieux qu'une mauvaise paix, il nous est beaucoup plus avantageux de souffrir, pour ne pas consentir au péché et nous rendre agréables à notre Seigneur en implorant son assistance avec humilité, que de lui déplaire et nous rendre dignes de sa haine par un plaisir brutal qui passe si vite. Ne doutez point qu'il ne secourt ceux qui combattent pour son honneur, qu'il ne les rende enfin victorieux, et qu'il ne considère les travaux qu'ils souffrent dans cette guerre comme une espèce de martyr. Car de même que les martyrs s'exposaient à la mort pour ne pas renoncer à la foi, ce que l'on endure pour conserver la chasteté et obéir à la volonté de Dieu fait participer à leur gloire, on doit donc, dans les peines que l'on souffre pour ce sujet, se consoler en ce qu'elles sont une preuve de notre amour pour Dieu, par le refus que nous faisons à notre chair de lui accorder ce qu'elle désire. Chapitre 16. Qu'il y en a qui sont chastes aussi bien dans leur chair que dans leur cœur sans que la sensualité se soulève en eux contre la raison. Il y a d'autres personnes que Dieu rend chastes d'une manière si avantageuse, que leur raison ne leur fait pas seulement concevoir de l'horreur pour ces infâmes plaisirs charnels, mais leur sens ne leur donne sur cela aucune peine, et ainsi ils jouissent d'une telle paix, qu'ils ne savent presque pas ce que c'est que tentation, les uns tiennent de leur tempérament cette tranquillité, les autres la tiennent d'une grâce particulière de Dieu. Et les premiers ne doivent pas se glorifier de cet avantage ni mépriser ceux qui ne l'ont pas, parce que ce n'est pas cette paix qui nous rend chastes, c'est une ferme résolution de ne point offenser Dieu. Et si celui qui, étant tenté, fait une plus forte résolution de conserver la chasteté que celui qui n'est pas tenté, il est plus chaste que lui, quoiqu'il ne soit pas en paix comme lui, cette raison ne doit pas donner de la peine à ceux qui sont d'un si heureux tempérament, en leur faisant croire que, ne trouvant point de difficulté à être chaste, il ne leur est pas fort avantageux de l'être, ils doivent au contraire profiter de cette bonne inclination et aimer par vertu et par désir de plaire à Dieu cette chasteté à laquelle ils se trouvent portés naturellement. Ainsi ils seront agréables à Dieu en deux manières, l'une, par le choix que la partie supérieure de leur âme fait de cette vertu, et l'autre par l'obéissance que leur bonne inclination fait que la partie sensitive rend à la raison. Il y en a d'autres qui sont chastes, non pas par leur inclination naturelle, mais par une grâce particulière de Dieu, qui leur fait concevoir de l'horreur pour l'impureté, sans que la partie sensitive ait de la peine d'obéir à la raison, et se trouve ainsi dans une grande paix d'esprit et de corps. Il paraît que les philosophes ont connu cet état si excellent, puisqu'ils l'ont dit qu'il y a des hommes si vertueux et dont l'âme était tellement épurée, qu'ils ne font pas seulement le bien sans que leur passion les en empêche, mais qu'ils les ont tellement vaincus et assujettis, qu'elles n'osent plus s'opposer à leur raison. Néanmoins, comme il n'y a point de véritable vertu sans la grâce de Dieu, ce discours des philosophes n'était que des paroles sans effet. Il n'y a que les vrais chrétiens à qui Dieu accorde une si grande faveur. Les hommes travailleraient en vain pour acquérir cette force, elle ne peut venir que du Dieu tout-puissant, qui est la force même, et nous la recevons de son Saint-Esprit par Jésus-Christ notre Seigneur, car il prend plaisir à nous l'accorder pour nous rendre semblables à lui, qui dans une chair corruptible a conservé une parfaite virginité. C'est donc le Saint-Esprit qui enrichit les âmes qu'il lui plaît de cette excellente vertu d'une parfaite chasteté, et qui fait que de même que la partie supérieure de l'âme est parfaitement soumise à Dieu, elle se trouve si étroitement unie à lui et tellement remplie de sa force et de sa lumière, que, n'ayant plus d'autre volonté que la sienne, elle peut dire avec l'apôtre, « Celui qui demeure attaché au Seigneur est un même esprit avec lui. » 1 Corinthiens 6, 17. Ainsi, par le moyen de cette force que Dieu donne à la partie supérieure, l'inférieur se trouve dépouillé de cette brutalité et de cette fierté qui la faisait par son naturel s'élever contre elle, et elle lui obéit avec plaisir. Par ce moyen, quoique ces deux parties de l'homme soient d'une nature si différente, l'une étant spirituelle et l'autre sensuelle, cette dernière qui est la moindre s'unit de telle sorte à la plus noble, reçoit si volontiers la loi d'elle et lui devient si familière, qu'encore que par elle-même elle ne soit pas raisonnable, elle agit comme si elle l'était, et non seulement la chair ne contrarie plus l'esprit, mais elle l'aide et le seconde comme une vertueuse femme aide et soulage son mari, tellement qu'ainsi que l'on voit des esprits si charnels que, ne se conduisant que par l'appétit sensuel, encore qu'ils soient d'une nature spirituelle, ils se rendent misérablement esclaves de leur chair en se transformant en elle, de telle sorte qu'ils deviennent tout charnels, parce qu'ils n'ont qu'une volonté et des pensées toutes charnelles. De même la sensualité de ces autres dont nous venons de parler s'unit de telle sorte à la raison, qu'elle paraît être plus raisonnable que ne l'est l'esprit des autres. Cela semble difficile à croire, et il ne faut pas néanmoins s'en étonner, puisque c'est un ouvrage de Dieu que Jésus-Christ, son Fils unique, opère principalement dans le temps de l'Église chrétienne, dont Isaïe a prophétisé en disant, « Il arrivera un temps où le loup et l'agneau, l'ours et le lion mangeront ensemble, » Isaïe 11, faisant voir par ces paroles que les affections déraisonnables de la partie sensitive qui, comme des bêtes farouches, voudraient, si elles le pouvaient, dévorer l'âme, deviendraient douces et paisibles par un effet de la grâce de Jésus-Christ, et que, se dépouillant de leur naturel, elles vivraient en paix, avec elles, selon ce que nous lisons dans Job, les bêtes sauvages n'auront pour vous que de la douceur, et ceux dont l'esprit n'est pas moins dur que les pierres vivront avec vous en amitié, Job 5. On voit aussi accomplir en cela ce que dit David, c'est vous que je considérais comme mon guide et mon ami intime, c'est vous que j'entretenais doucement de mes secrets, et qui me teniez compagnie lorsque j'allais dans la maison de Dieu, Psaume 54, 14. Car c'est ainsi que l'homme intérieur parle à l'homme extérieur, en le regard comme un autre soi, même et si conforme à ses sentiments, qu'ils vont de compagnie en la maison de Dieu, dans une telle union, que cet homme intérieur ayant tant d'amour pour la chasteté, la prière, les jeûnes, l'éveil et les autres saints exercices, qu'il y trouve toute sa douceur et tout son repos, l'homme extérieur s'accorde en tout cela parfaitement avec lui. Mais ne vous imaginez pas, ma chère fille, que l'on puisse dans l'exil de cette vie jouir d'une si parfaite paix, que nous n'ayons pas quelquefois des mouvements contraires à la raison, puisqu'il n'y a eu que Jésus, Christ et sa Sainte Mère qui en aient été exemptes. Sachez seulement que ces mouvements, dans ceux à qui Dieu a fait les grâces que je viens de dire, ne sont pas tels qu'il leur donne beaucoup de peine. La guerre qu'ils leur font ne saurait leur faire perdre la véritable paix, car ils les vainquent facilement. C'est comme si dans une ville quelques jeunes gens s'étant querellés et s'étant aussitôt accordés, on ne pourrait pas dire pour cela que la paix de cette ville aurait été troublée, puisque le reste des habitants n'aurait point eu de part à cette dispute. Que si encore que ces philosophes dont j'ai parlé ignorassent quel est le pouvoir du Saint-Esprit, ils ne laissaient pas de demeurer d'accord qu'il y avait des hommes dont la partie inférieure était entièrement soumise à la raison, se rater. Il est difficile à un chrétien d'en demeurer d'accord et de n'en être pas bien aise, pour la gloire de la rédemption que Jésus-Christ nous a acquise, et de son infini pouvoir à qui rien n'est difficile. Le prophète Isaïe a dit, en parlant de ce divin sauveur, qu'il apporterait en venant au monde une abondance de paix, laquelle il nomme un grand fleuve, Isaïe, 67. Et saint Paul ajoute que cette paix surpasse tout ce que nous en pouvons concevoir. Philippiens, 4. Ainsi, lorsque la chair est obéissante à l'esprit, elle n'a garde de tenir le langage qu'elle tient à ceux qui ne sont pas dans un si heureux état, et nous n'avons point sujet d'appréhender ces terribles malédictions que Dieu donna à Adam pour avoir écouté sa femme, mais au contraire nous apprenons à notre chair à entendre le langage de l'esprit, ainsi que l'on apprend à parler à un oiseau, et il paraît bien qu'elle l'apprend, puisqu'elle nous obéit sans résistance, et que si elle nous demande quelque chose, ce n'est pas des plaisirs, mais seulement des besoins dont on ne saurait se passer, et nous pouvons alors l'écouter, ainsi que Dieu commanda à Abraham d'écouter la voix de Sarah, sa femme, quoique sa chair fût si faible et si mortifiée par la vieillesse. Genèse 18. Où peut donc avoir quelque égard au sentiment de la chair, quand elle est en cet état, mais non pas de telle sorte que l'on s'y fie entièrement? Il faut que l'esprit use en cela d'un prudent discernement, de peur que, la considérant comme morte, elle ne nous trompe, ce qui pourrait arriver d'autant plus facilement que nous ne nous en défierions pas. Marc M. Dan, archive.org. D'après les œuvres très complètes de Sainte Thérèse, tome 4, 1845, à Bémigne, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.